19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Vous êtes prêts à recevoir 2 heures de métal pour vous décrasser les oreilles? Bah ouais, j'imagine que oui, parce que sinon vous ne seriez pas en ce moment confortablement installé dans votre fauteuil, une bière bien fraîche à la main, et puis se dire que pas de problème pour le cérumen, il va partir après ces 2 heures de métal en fusion. Donc ce soir, ce sera un petit peu plus calme que la semaine dernière, où, bon, pour la rentrée, c'est vrai que je vous avais un petit peu gâté. Je n'aurai que 4 nouveautés à vous proposer, du coup, et puis aussi un petit survol donc de l'actualité, comme toutes les semaines. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer maintenant. Vous savez que la rentrée des classes, ça a commencé là depuis 8 jours. Mais pour nos écolières préférées de Girls' School, ça fait 45 ans qu'elle redouble, et c'est pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, leur nouvel album, What 45, qui est sorti donc cet été en prémisse de ça. On va commencer avec Bump in the Night. Hey! Raise Your Hand, ça c'est un extrait de Black and Gold, le dernier album de Thunder Mother, des Silhouettes de Thunder Mother, qui était sorti l'année dernière, juste avant, beaucoup plus récent, puisque c'est sorti cet été. Le nouvel album de nos écolières préférées, célébrant donc leurs 45 ans de carrière, qui s'appelle WT45, avec un point d'interrogation, et c'était Bump in the Night. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec un vétéran des scènes américaines qui a fondé son groupe là en 2000, donc Robert John and the Wreck. Alors, Robert John and the Wreck, musicalement, on est plutôt proche de Lynyrd Skynyrd, des Allman Brothers, ce genre de choses, donc du gros rock américain indémodable. Et donc, ce vieux briscard donc, qui a sorti son premier album en 2011. Au printemps dernier, il nous a sorti son premier live qui s'appelle Live at the Ancienne Belgique, enregistré donc à Bruxelles en juin 2022, un petit pack CD-DVD qui est sorti au mois d'avril mais que je me suis procuré cet été et je dois avouer que depuis, bah, il squatte pas mal ma platine. Et pour information, bah, Robert John, là, il a sorti son premier, son nouvel album studio vient de sortir qui s'appelle Ride into the Light et il est en tournée française. Il y a 4 dates en France, dont une près de chez nous puisque ce sera à Talcy, à côté de Beaugency, le 28 septembre prochain. Et petite exclu, je peux vous dire que normalement il y a de fortes chances que je vous ramène une petite interview du Gus. Voilà. En attendant, bah, si vous aimez ce genre de rock, vous allez vous régaler avec The Devil Is Your Only Friend, extrait donc du Live at the Ancienne Belgique. Thank y'all for being here tonight. If you haven't noticed, we're going to be filming a video. So be on your best behavior. We'll be right back. Joe Bonamassa avec son nouveau live Tales of Time, sorti pareil au printemps dernier. C'était Questions and Answers, sorti à peu près au même moment. Mes nouveautés pour ce soir dans Electric Shock, le premier album live de Robert John and the Wreck, live à The Ancienne Belgique. C'était le morceau The Devil is Your Only Friend. Et Robert John and the Wreck qui sera en concert donc le 28 septembre à côté de chez nous, à Talcy, à côté de Beaugency. Et bien maintenant, continuons toujours en live avec le live à Throatburn du festival Doom avec les Italiens de Messa, avec le live que je vous ai présenté la semaine dernière. Il va se faire un extrait donc de leur dernier album studio qui s'appelait Close, sorti avec un morceau. Bon, les mathématiciens sont peut-être pas d'accord avec moi puisque c'est 0 equal 2. Ouais, bon, si on veut. J'aime ces ambiances sombres et lourdes. C'était donc Messa, groupe italien, avec le morceau Zero Equal Two, extrait du Live at Roadburn, sorti donc au printemps dernier. Si samedi soir, vous savez pas quoi faire, eh bien, moi, je vous invite à aller faire un tour au Dropkick. Au Dropkick, Prisma va faire son grand retour scénique et vous présentera des morceaux de son futur album qui sera prochainement disponible. Donc, Prisma, en compagnie de Skydroll, à partir de 20h. Eh ben, pour ça, on va se refaire un petit extrait de leur EP3 titre ADN avec le morceau Rock Now. Si vous aimez le Hard FM typé des années 80, vous allez vous régaler. Il est toujours aussi efficace, ce Breakout, extrait du premier album éponyme de Bon Jovi, sorti en 1984. Par contre, il faut reconnaître que la prod, ben, mal vieillie hein, quand même. Cette réverb et puis ses sons de clavier, je dois avouer que ça irrite un peu les tympans quand même. Juste avant Bon Jovi, eux aussi, c'est les rois du hard FM orléanais Prisma, avec un petit extrait donc de leur petit mini-CD ADN qui était sorti en 2020. Rock Now et Prisma qui sera en compagnie de Skyroll au Dropkick samedi soir à partir de 20h. Deuxième nouveauté de la soirée et changement de style avec le nouvel album de Soen. Soen, groupe suédois qui existe depuis 2005. Fondé par Martin Lopez, l'ancien batteur de OPEF, mais qui est un groupe qui n'a rien à voir puisqu'on est plutôt dans le métal progressif à la Tool. Et là viennent donc sortir leur sixième album, le 1er septembre dernier, qui s'appelle Memorial. Et on va se faire le morceau qui, je crois, est le single, c'est Unbreakable. Et ils seront en concert à Paris, à l'Élysée Montmartre, le 15 octobre prochain. We'll be right back.

Staccato, ça c'est un extrait de Life is But a Dream, le dernier album controversé d'Avenged Sevenfold. Ça c'est clair que c'est un album qui vous laissera pas indifférent. Soit vous adorerez, soit vous détesterez. Pour ce qui concerne Electric Shock, Electric Shock, je vous rappelle que c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et bien donc pour Electric Shock, Avenged Sevenfold, c'est clair que ça fait partie des coups de cœur de l'année 2023. Eh oui, presque une heure déjà de passer en votre compagnie. C'est vrai que ça passe très très vite quand on est en bonne compagnie et qu'on a de la bonne musique. Ben moi, je sais pas vous, mais moi j'aurais envie de me faire un petit peu de hardcore. Et pour ça, j'ai bien envie de me faire un petit Forest in Blood du Parisien avec leur nouvel album qui est sorti donc cet été, qui s'appelle Abyss. Donc toujours dans leur délire pirate. Le morceau de ce soir qui va bien décrasser les oreilles, c'est The Harder They Come. Mais avant, une petite intro un petit peu, une espèce d'interlude instrumental qui va vous mettre une ambiance un petit peu particulière qui s'appelle Ténèbres. Avec Electric Shock, pas besoin de coton-tige pour se nettoyer les oreilles. Parce que là, je pense qu'après ce qui vient de se passer, il n'y a plus de cérumen, c'est clair. Je pense même, vous avez peut-être même quelques acouphènes. Les Tambours du Bronx font leur grand retour dans Electric Shock avec un extrait de leur album Evolution qui est sorti donc le 1er juin dernier avec le morceau Lion's Share qu'on a eu à l'instant. Forest in Blood, eux, ils étaient juste avant avec The Harder They Come et la petite intro Ténèbres, extrait donc de leur dernier album Abyss qui est sorti mi-août. Et maintenant, comme il est un peu plus de 20h et ouais, déjà une heure de passé, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Alors là, c'est pareil, c'est un groupe français qui vient de sortir donc son deuxième album, presque 2 ans jour pour jour. Le premier s'appelait March of the Dead. Le nouveau s'appelle Glitter Ghouls from Hell, avec Ghouls avec un Z, j'insiste bien. Alors, si vous aimez le rock, le punk, le glam rock, avec un côté comme assez destroy, genre Motley Crue rencontre les Misfits ainsi que Wednesday 13 et tout ce genre de groupe, c'est vraiment de l'horreur rock. On pense un petit peu au film de Romero, mais avec une pointe d'humour quand même en plus sur ce groupe, qui sera d'ailleurs en concert à Orléans au Dropkick également. Par contre, ce sera le 23 septembre prochain. L'album est sorti vendredi, comme quoi c'est tout chaud, tout bouillant. Et ben, on va le découvrir tout de suite, maintenant, avec un morceau. Ça va bien avec le concept, c'est Halloween in Hollywood. We'll be right back. petit voyage dans le temps. Et oui, ça c'est l'avantage de la radio. Sans quitter votre fauteuil, on voyage à travers le temps et l'espace. Là, on était en 1981, où les Misfits, groupe culte, sortaient son premier album Walk Among Us. Et c'était un extrait de cet album mythique. C'était All Hell Break Loose. Et juste avant, c'était donc les Français de Sleazy's et leur deuxième album Glitter Goals From Hell. Et ça, c'est clair que les Misfits, ça doit faire partie de leurs influences. Donc, extrait de cet album Glitter Goals From Hell, comme je le disais, c'était le morceau Halloween in Hollywood. On va se faire un petit instrumental maintenant, si vous voulez bien. Et pour ça, on va revenir à la compile United Guitars Volume 4, qui est sortie fin juin dernier. C'est vrai que on donnait pas cher de la peau quand on a vu la première compile. On se disait, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir des guitaristes de tout genre, etc. Et ça a tellement bien marché qu'en fin de compte, ben, on en est quand même au quatrième volume dans tous les ans, la petite livraison. Donc, sur cet album qui est un double... Là, pour ce soir, je nous ai choisi un morceau d'une femme, honneur aux femmes quand même. Après tout, on a eu Girls' School, on a eu tout ça, donc il n'y a pas de raison. Qui s'appelle Anouk André. Alors, Anouk André, c'est une jeune fille qui a commencé la guitare à l'âge de 17 ans. Elle a quand même intégré le MAI de Nancy. Elle a obtenu son diplôme l'année suivante, quand même, pour vous dire le niveau. Et depuis, elle enseigne la guitare, elle anime des workshops, elle fait plein de choses. Elle a même une chaîne de YouTube. Et en fin de compte, elle a des partenaires avec Dunlop. Et ça lui permet aussi de jouer dans les salons internationaux. Et elle joue également sur scène et en studio, actuellement avec la comédie musicale Six, quand même. Donc, si on a envie de découvrir son univers musical, je vous invite à écouter le morceau Blood Cell, extrait donc de cette compile. C'était notre moment instrumental choc. Et oui, Electric Shock, c'est aussi des fois de l'instrumental. Avec la guitariste Anouk André, qu'on peut trouver donc sur la compil United Guitars volume 4. Et quand le volume 5 ou l'année prochaine, certainement. Et bien maintenant, on va revenir à ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Le nouvel album de Parrish, un groupe qui vient de la région parisienne, qui nous propose un mélange de pas mal de styles, de grunge, de shoegaze, de metal alternatif. Enfin, il y a plein de choses. C'est assez difficile à classer ce groupe. Cet album qui s'appelle donc You're in a Both Dream and You're Scared. Tout un programme. Et le morceau de ce soir, c'est Still There. On our way down, feel this is just our way out. On a weekday, well, this is just how it ends. Attention, la coup de cœur pour Electric Shock, puisque c'est le nouvel album de Mammoth WVH, le fiston Van Allen. Mammoth 2, sorti donc début août. Et pour ma part, que je vous le dis, pour que je vous dise à quel point j'adore, je l'ai reçu mi-juillet, et vous voyez, presque deux mois après, je l'écoute toujours autant, et je trouve ça toujours aussi bon. Là, c'était Miles Above Me. Juste avant, c'était les Parisiens de Parrish et leur deuxième album, You In Both Dream And You're Scared, et le morceau, donc, Still There. Est-ce que du pur heavy metal, ça vous dirait maintenant? Bah ouais, j'imagine que oui, sinon vous n'écouteriez pas Electric Shock. Et ben, on va revenir au 19e album studio de Udo, qui s'appelle Touchdown. Alors c'est vrai que Udo, il n'a pas toujours été très inspiré dans ses albums, même s'il n'y en a aucun qui est vraiment mauvais. Udo a son style vraiment défini, c'est-à-dire, ben, on reprend les choses là où Accept les avait laissées. Et ce Touchdown, moi, il m'a vraiment botté. Je ne m'attendais pas à ça du père Dirk Schneider, qui à 70 ans passés nous montre que la retraite, elle n'a pas encore sonné. Et sa voix est toujours aussi reconnaissable. Forever Free, ça vous dit? Allez, c'est tout de suite maintenant Electric Shock. Electric Shock qui est sur Radio Arc-en-Ciel, sur le mardi soir entre 19h et 21h. Et ouais, le temps passe vite. Il nous reste quoi? Une demi-heure? Allez, Udo, c'est maintenant. I want to live my life, not into ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait de Dead Lights, le deuxième album des Italiens de Slither. C'était Night Desire. Juste avant Slither, c'était Udo avec son nouvel album Touchdown et le morceau Forever Free. Et le temps passe très vite, il nous reste une vingtaine de minutes, mais on va se faire la dernière nouveauté de la soirée. Avec, ça c'est probablement le groupe qui actuellement fait le plus controverse. Certains adorent, certains détestent. C'est Greta Van Fleet, groupe qui fait couler beaucoup d'encre. Il faut dire que depuis leur début, assez tonitruant, certains crient au génie, d'autres au plagiat. Il faut dire que si vous avez tous les Zeppelin illustrés en un album, hein, tout y est. Hein. Les minauderies vocales, le son de batterie, les solos de guitare, c'est bluffant. Hein. C'est pour ça que certains crient au génie, d'autres au contraire disent c'est du plagiat. Enfin, moi, je dois avouer que je suis un peu partagé, je suis un peu entre les deux. Il y a des moments où je trouve ça tellement c'est copié, je me dis putain c'est génial, puis il y a d'autres moments où je trouve ça c'est too much. Enfin, il faut dire que ces dernières années quand même le groupe a eu un succès comme fulgurant, puisqu'en début 2018 à la sortie de leur premier album, au début de l'année ils jouaient aux Étoiles à Paris qu'ils ont rempli sans problème. Au mois d'octobre c'était l'Élysée Montmartre qui était rempli, comme c'est une salle d'un Otakabi. Un an plus tard c'était le Zénith quand même. Et bon, entre-temps, il y a la crise Covid, donc du coup, le groupe s'est arrêté un petit peu. Et là, pour le nouvel album qui est sorti là fin juillet, c'est Bercy carrément. Enfin, pardon, l'Accor Arena Hotel, puisqu'il faut dire comme ça maintenant. Est-ce que ce sera plein ou pas? Ce sera à suivre. Enfin, bref, que vous aimiez, que vous adoriez ou pas, enfin, toujours est-il que faut reconnaître que c'est sacrément bien foutu quand même. Allez, The Falling Sky, c'est le morceau de ce soir, et donc quatrième et dernière nouveauté d'Electric Shock ce soir. Aussi, c'est les petits chouchous de l'émission Rival Sons avec Dark Fighter, leur dernier album, c'était Rapture. Rival Sons qui seront en concert à l'Olympia à Paris le 27 octobre prochain. Eux, par contre, ils seront à Paris-Bercy, pardon, l'Accor Arena Hotel le 9 novembre prochain. C'est Greta Van Fleet qui viendra présenter son nouvel album Starcatcher, que je vous ai présenté ce soir en quatrième et dernière nouveauté avec The Falling Sky. On va faire un petit tour en Suède et on va changer complètement d'ambiance, on va aller d'un côté un peu plus dark, avec le groupe The Abbey et son premier album World of Sin et le morceau Old Ones. ambiance très sombre pour terminer Electric Shock ce soir avec The Abbey et le morceau Old Ones, extrait de World of Sin. Voilà. Donc c'est fini donc pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir suivi ce programme. Eh bien, on va vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures métalliques. Et restez bien sûr Radio Arc-en-Ciel, parce que la musique, ça continue. C'est le Before Weekend avec Christophe et Electrochoc, qui est là dans les starting blocks. Il attend. Salut Christophe, comment vas-tu ? Salut Christophe, ça va ? Qu'est-ce que tu as de beau à proposer à nos auditeurs ce soir ? Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une playlist plutôt Deep House et House, avec quelques classiques pour commencer. Alors, ça craque un peu, faudra pas s'étonner, hein. C'est des vinyles que j'ai numérisés cette semaine. On va pas mal tourner en club. Donc, on sent le vécu, quoi. Ah, c'est ces vinyles-là, ouais. C'est les classiques. Donc, ambiance vintage. Pour commencer, ouais. Voilà. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Christophe. Electrochoc, c'est maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!